un de ses parents, appelé M. Daubonne, l'avait voir. C'était un homme de beaucoup d'esprit, intrigant, génie à projet comme elle, mais qui ne s'y ruinait pas, une espèce d'aventurier. Il venait de proposer au cardinal de Fleury un plan de loterie très composé, qui n'avait pas été goûté. Il allait le proposer à la cour de Turin, où il fut adopté et mis en exécution. Il s'arrêta quelque temps à Annecy et devint amoureux de Madame l'intendante, qui était une personne fort aimable, fort de mon goût, et la seule que je visse avec plaisir chez maman. M. Daubonne me vit. Sa parente lui parla de moi. Il se chargea de m'examiner, de voir à quoi j'étais propre et, s'il me trouvait de l'étoffe, de chercher à me placer. Madame de Varan m'envoya chez lui 2 ou 3 matins de suite, sous prétexte de quelques commissions et sans me prévenir de rien. Il s'y prit très bien pour me faire jaser, se familiarisa avec moi, me mit à mon aise autant qu'il était possible, me parla de niaiseries et de toutes sortes de sujets, le tout sans paraître observé, sans la moindre affectation, et comme si, se plaisant avec moi, il eût voulu converser sans gêne. J'étais enchanté de lui. Le résultat de ses observations fut que, malgré ce que promettait mon extérieur et ma physionomie animée, j'étais, sinon tout à fait inepte, au moins un garçon de peu d'esprit, sans idées, presque sans acquis, très borné en un mot à tous égards, et que l'honneur de devenir quelque jour curé de village était la plus haute fortune à laquelle je dus aspirer. Tel fut le compte qu'il rendit de moi à Madame de Varan. Ce fut la seconde ou troisième fois que je fus ainsi jugé. Ce ne fut pas la dernière, et l'arrêt de M. Masseron a souvent été confirmé. La cause de ces jugements tient trop à mon caractère pour n'avoir pas ici besoin d'explication, car, en conscience, on sent bien que je ne puis sincèrement y souscrire, et qu'avec toute l'impartialité possible, quoi qu'aient pu dire M. Masseron, Daubonne et beaucoup d'autres, je ne les saurais prendre au mot.